Ah, tiens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde sait que tu as eu ton Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire. Bah oui, alors ? 299€ par mois. Je leur dis quoi, mes gars ? En ce moment, offrez-vous un Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 299€ par mois. Entretien, extension garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Sprinter fourgon 211-39S traction en crédit by Facility 36 mois, 120 000 km, premier loyer 4 379€ hors taxes, à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019, si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Affaire sensible, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaire sensible, suite et fin de notre série Jeux d'espions. Après la première partie, Opération Sunbeam, diffusée vendredi dernier, voici donc la seconde, Fuir l'URSS. Au début des années 70, le colonel Oleg Gordievski est une étoile montante des services de renseignement soviétiques. Au sein du KGB, il a accès à des informations secrètes liées notamment aux activités d'espionnage. En poste à l'ambassade du RSS à Copenhague, puis à Londres, Gordievski est le témoin des dérives totalitaires d'un régime qu'il est censé servir. Victime d'une profonde désillusion, oui. Victime parce que le coup est dur à encaisser. La déception est tellement forte, jusqu'au dégoût même, qu'il accepte de collaborer avec les services secrets britanniques et devient ainsi ce qu'on appelle un agent double. Pendant 11 ans, infiltré au cœur du renseignement soviétique, Gordievski livre aux Occidentaux une multitude d'informations et les informe de la paranoïa atomique qui s'est emparée du Kremlin. Le secret qui entoure sa collaboration avec l'Ouest semble parfaitement gardé. Lorsqu'au printemps 1985, Gordievski est convoqué à Moscou, tout porte à croire qu'il a été démasqué. Alors, une course contre la montre s'engage et les services secrets britanniques vont tout tenter pour exfiltrer leur agent double d'Union soviétique. Notre invité aujourd'hui, tout comme vendredi dernier, Sergueï Zhirinov, ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique. Il a espionné le continent américain et la France avant de venir se réfugier ici au début des années 2000. Dans son livre, intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion », paru aux éditions Corpus Delicti, Sergueï Zhirinov revient sur son recrutement, ses opérations clandestines et sa vie d'espion. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À Moscou, on s'affaire aux préparatifs des obsèques de Constantin Tchernenko. François Mitterrand, Margaret Thatcher, l'Américain George Bush, l'Espagnol González, l'Allemand Kohl, l'Indien Gandhi, l'Italien Pertini et bien d'autres, tous seront demain sur la place rouge. Tout semble réglé comme du papier à musique, comme l'a été la nomination de Mikhaïl Gorbatchev au poste de secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Mars 1985. À Moscou, un nouveau dirigeant s'installe au Kremlin. À tout juste 54 ans, Mikhaïl Gorbatchev incarne une nouvelle génération de dirigeants soviétiques. Une génération qui n'a pas fait la guerre sur le terrain et qui n'a pas connu non plus les purges staliniennes des années 30. Mais Gorbatchev, c'est aussi le symbole d'une génération qui, bien qu'éduquée à l'est du rideau de fer, s'est enrichie culturellement en voyageant à l'ouest. Une génération enfin consciente que 67 ans de communisme ont conduit l'URSS à la ruine. Pour sauver la patrie de Lénine, parce que tel est bien son objectif, réformer le communisme, pas l'enterrer, Gorbatchev prône la relance du dialogue avec les Occidentaux, mais aussi la réforme en profondeur des institutions. Ce sera la perestroïka et la mise en place d'une politique de transparence, la glasnost. Vu de l'étranger, l'URSS façon Gorbatchev porte avec elle l'espoir du changement. Mais en ce printemps 85, dans les rues de Moscou, on voit que les vieilles habitudes ont la vie dure et que la chasse aux ennemis du socialisme se poursuit. Place Félix Dzerzhinsky, à quelques centaines de mètres du Kremlin, se dressent les immeubles sombres du quartier général du KGB. Ici, la nomination de Gorbatchev ne surprend personne. Et pour cause, c'est le KGB lui-même qui a appuyé l'ancien ministre de l'Agriculture pour qu'il prenne le pouvoir. Véritable état dans l'état, capable d'influencer et de modeler la politique soviétique à son image, le KGB ne craint rien ni personne. Parmi ses serviteurs les plus zélés, voici le colonel Viktor Boudanov, chef du département numéro 10 de la direction K, le service du contre-espionnage. Cet homme est au cœur de toutes les intrigues. Physique sec, parole rare, il agit pour le compte d'une direction centrale paranoïaque qui laisse carte blanche pour démasquer les traîtres. Alors, c'est sans vergogne et sans limite que ces hommes se livrent au harcèlement et interrogent leurs suspects, exemple même d'une police politique bras armés d'une dictature. De ces pratiques, on découvrira par la suite des récits meurtris, mais aussi des tentatives de démenti embarrassées, comme ici avec cet ancien gradé du KGB, sur la question hautement sensible de la torture. Toutes ces méthodes sophistiquées dont on parle en Occident et dans les médias sont des inventions calomnieuses. Les internements, l'utilisation de médicaments, tout cela n'a jamais existé. J'apporte un démenti catégorique. Le KGB n'a jamais joué aucun rôle dans les internements psychiatriques. Quant au chantage ou à d'autres procédés illégaux, je déclare officiellement que jamais pareilles méthodes n'ont été utilisées. Dans la limite des informations dont je dispose, bien sûr. Quelques semaines plus tard, à la mi-avril, la première direction générale du KGB charge le colonel Boudanov d'un dossier prioritaire. Sur la base d'informations transmises par une source de très haut niveau au sein de l'appareil de renseignement américain, la direction centrale des services soviétiques a découvert l'existence d'une taupe. Encore faut-il vérifier et démasquer le traître du KGB. S'il ignore son nom, Boudanov sait en revanche que l'individu travaillerait avec les services secrets britanniques, le MI6. Le colonel en a donc déduit que ce traître est basé à l'ambassade du RSS à Londres. C'est la raison pour laquelle il convoque à Moscou le résident par intérim du KGB en Grande-Bretagne, un certain Oleg Gordievski. Mai 85, aéroport Sheremetyevo, banlieue nord de Moscou. L'horloge du terminal affiche 20h lorsque le vol de la compagnie Aeroflot en provenance de Londres se pose. Quelques instants plus tard, les passagers descendent sur le tarmac, parmi eux Oleg Gordievski. Pendant toute la durée du vol, l'officier du KGB n'a pas fermé l'œil. Première surprise à son arrivée, aucun comité d'accueil du KGB. Dans le taxi qui le ramène à son appartement, situé dans le centre de Moscou, Gordievski ne prononce pas un mot, hanté par une seule et même question. A-t-on découvert ses activités d'agent double ? Lorsqu'il arrive devant la porte de son appartement, un logement de fonction situé au 8e étage d'un immeuble où vivent des familles travaillant toutes pour le KGB, Gordievski constate que quelqu'un est entré chez lui pendant son absence et qu'on a fouillé ses affaires. Ça commence mal. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, il cache soigneusement à côté de son lit le livre « Les sonnets de Shakespeare » donné par son contact du MI6 et qui contient à l'intérieur un plan d'évasion. Puis il s'habille, déjeune et se rend au siège de la première direction générale du KGB en charge de l'espionnage extérieur. Commence alors pour lui une journée marathon d'entretien. Les questions se suivent, se ressemblent et parfois se répètent pendant des heures. Oh, une vieille technique de déstabilisation. Parmi ces questions, on exige de Gordievski le récit détaillé de sa dernière mission sur le terrain. J'étais censé déposer cette boîte à lettres qui contient 500 livres pour un agent du KGB qui avait un besoin pressant d'argent. Un officier de mon service avait décidé de cacher l'argent dans une brique et de laisser la brique à un endroit convenu. Alors nous l'avons fait. La brique a été fabriquée avec un trou à l'intérieur pour y mettre l'argent. Et c'est moi qui ai conduit cette opération. Je suis allé au lieu du rendez-vous, j'y ai déposé la brique et j'ai disparu. 15 minutes plus tard, l'agent est arrivé, a pris la brique, l'a mise dans un sac en plastique et a disparu. Gordievski est conscient que si le KGB avait déjà des preuves contre lui, il serait d'ores et déjà en prison. Alors, pourquoi ce jeu du chat et de la souris? Eh bien parce qu'en réalité, le colonel Boudanov, chargé d'identifier le traître, ne dispose d'aucun élément à charge. Seul indice, le témoignage d'un ancien agent du KGB à l'ambassade de Londres, ce dernier clame que Gordievski ne serait pas un officier fiable, mais sans donner davantage de précision. Alors, Boudanov joue la montre avec l'espoir que Gordievski craque. Une semaine plus tard, le 27 mai, l'agent double est à nouveau convoqué au siège du KGB. Épuisé, il prend ce matin-là des capsules stimulantes à base de caféine que lui a fourni son contact au MI6. Un chauffeur le récupère au pied de son immeuble et l'emmène dans une résidence boisée, une datcha, située à l'écart de la ville. Une fois sur place, Gordievski est accueilli par deux hommes qui le font asseoir et lui offrent un cognac. Nerveux, le soviétique avale le contenu de son verre d'une traite. En face, ses deux interrogateurs le fixent du regard. Au bout de quelques instants, Gordievski se sent mal. Il ne contrôle plus ses mots, ses gestes. Il réalise alors qu'il vient de tomber dans un piège, que son verre de cognac contenait un sérum de vérité. À ce moment précis, un troisième individu entre dans la pièce. C'est le colonel Boudanov. L'interrogatoire commence, les accusations pleuvent. Colonel Gordievski, nous savons que vous êtes un agent britannique. Nous possédons des preuves indiscutables de votre culpabilité. Avouez ! Non, je n'ai rien à avouer. Mais il y a quelques minutes, vous avez commencé à tout nous raconter. Répétez ce que vous nous avez dit. Non, je n'ai rien dit. Nous savons qui vous a recruté à Copenhague. Foutaise. C'est faux. Avouez ! Vous l'avez fait une fois, avouez encore ! Boudanov, vous ne valez pas mieux que la police secrète de Staline qui arrachait des fausses confessions à des innocents. Après plus de 5 heures de questions, une profonde fatigue envahit Gordievski. Il s'effondre sur sa chaise et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est allongé dans le fauteuil de son salon, nu. Son crâne lui fait mal. C'est sans doute grâce aux pilules stimulantes du MI6 qu'il avait prises avant de partir à son rendez-vous que Gordievski a réussi à lutter contre les effets du sérum de vérité. Pour autant, le soviétique ne se souvient de rien. Sa mémoire est truffée de zones noires. Heureusement, il n'a pas avoué. Les semaines passent. Soumis à une surveillance constante, Gordievski tente d'endosser le costume d'un citoyen normal. Entre-temps, il a découvert des micros cachés à son domicile, dans le salon, dans la cuisine. Et il sait que ses jours sont comptés et qu'à mesure que le KGB enquête, les preuves risquent de l'accabler. Alors, le 15 juillet, il prend le livre des sonnets de Shakespeare que lui avait remis le MI6. Il le glisse dans l'eau savonneuse. 10 minutes plus tard, il retire et enlève la page de garde. À l'intérieur, dans une fine enveloppe en cellophane, se cachent les instructions du fameux plan d'évasion préparé par les Britanniques. En ce milieu de l'été 85, à Londres, le centre des opérations du MI6 est sur le qui-vive. Depuis le début de l'opération Sunbeam, 11 ans plus tôt, et le retournement d'Oleg Gordievski, c'est ici qu'on supervise toutes les informations. Or, depuis le retour de l'agent double à Moscou, Veronica Price, l'analyste du service, et ses hommes n'ont plus aucune nouvelle. A-t-il été arrêté? Allez savoir. Au pays de l'information verrouillée, elle l'est d'autant plus quand il s'agit d'une affaire d'espionnage. Mais le fait que sa femme et ses deux petites filles aient été rapatriées elles aussi à Moscou, tout cela n'augure rien de bon pour Oleg Gordievski. Le MI6, les services secrets extérieurs de Grande-Bretagne, sont coutumiers des missions d'exfiltration. Un appel à un numéro de secours, l'envoi d'un faux passeport, un billet d'avion pour Londres et, d'ordinaire, le tour est joué. Mais exfiltrer un espion russe de Moscou avec sa famille, le KGB à leur trousse, c'est une opération d'une toute autre envergure. Comme en témoignera plus tard Veronica Price. À plusieurs reprises, nous avions déjà réussi l'exfiltration d'agents depuis la Hongrie ou la Tchécoslovaquie. Mais là, depuis la Russie, cela soulevait beaucoup de risques. Les distances étaient immenses et sur le trajet, les contrôles allaient être récurrents. On a d'abord pensé à donner à Gordievski de faux papiers et ensuite à lui dire d'embarquer en douce sur un cargo pour rejoindre l'Europe. Mais on a très vite réalisé que les docks de toute l'Union soviétique étaient aussi sévèrement surveillés que les aéroports. De plus, la contrefaçon de documents officiels était vouée à l'échec car l'URSS utilisait du papier filigrané comme celui des billets de banque. Gordievski aurait été immédiatement découvert. Veronica Price et ses collègues envisagent alors un autre scénario, celui d'une évasion par voie terrestre. Mais là encore, comment échapper à la surveillance des patrouilles de garde? Comment traverser les rideaux de barbelés et éviter les mines? C'est alors que leur vient une autre idée. On savait que par le passé, les soviétiques avaient tenté d'étendre la notion de la valise diplomatique à des véhicules entiers, et même une fois à un camion de 9 tonnes. Or, d'après la Convention de Vienne, nos véhicules conduits par des personnels d'ambassade et portant des plaques diplomatiques étaient eux-mêmes protégés en théorie contre la fouille et les contrôles des douaniers. On a alors imaginé le plan suivant. Faire franchir la frontière entre l'URSS et la Finlande à Gordievski en le cachant dans le coffre d'un de nos véhicules. Connue d'une poignée d'initiés, l'opération d'exfiltration répond au nom de code Pimlico. Elle nécessite l'implication du chef de la station du MI6 de l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou, Roy Ascott. C'est d'autant plus courageux que les chances de succès sont jugées très faibles. juillet 85, 19h30, Moscou. Depuis le retour de Gordievski dans la capitale soviétique, Roy Ascott et plusieurs de ses collaborateurs passent chaque soir à proximité de la boulangerie qui borde la perspective Kutuzov, une grande avenue marchande. Et c'est là, oui c'est là qu'est censé venir Gordievski pour donner le signal de départ de l'opération Pimlico. Ce soir-là, il y a beaucoup de monde sur le trottoir. La circulation est dense. Les minutes passent. Et là, au bord de la chaussée, un des agents britanniques distingue un homme portant une casquette à visière. Son visage correspond à la photo transmise par le MI6. L'un des hommes d'Ascott marche alors dans sa direction. Comme convenu dans le plan, le britannique déguste une barre chocolatée et tient un sac à Rhodes à la main. Le soviétique l'aperçoit à son tour, les deux hommes se regardent, oh, à peine, soyons discrets. L'opération Pimlico vient d'être activée. De retour à l'ambassade, Roy Ascott et ses hommes se lancent dans une course contre la montre. Le lendemain matin, prétextant que sa femme ressent de graves douleurs au dos et qu'elle doit voir un médecin à l'ouest du rideau de fer, Ascott organise avec un couple d'agents complices un week-end en Finlande. Heures plus tard, dans la nuit du vendredi au samedi, deux véhicules diplomatiques quittent l'ambassade britannique de Moscou et prennent la route en direction de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Afin de rendre crédible le scénario d'un week-end entre amis et déjouer la méfiance des gardes frontières, l'un des couples emmène avec lui son bébé de 8 mois. Samedi 20 juillet au matin, après avoir rejoint sans encombre Leningrad et fait le plein d'essence, les deux véhicules diplomatiques repartent en direction de la ville frontière de Viborg. Mais à peine ont-ils fait quelques centaines de mètres qu'ils sont pris en chasse par plusieurs voitures de police et du KGB. Une à l'avant, deux à l'arrière. Pris en tenaille, Roy Ascott réalise que l'opération d'exfiltration est compromise. Nous étions censés récupérer Gordievski sur l'aire de repos du kilomètre 836, non loin du poste frontière avec la Finlande. Si tout s'était passé comme prévu, Gordievski avait dû prendre un train la veille, entre Moscou et Leningrad. Puis il aurait pris ensuite un bus jusqu'à la ville de Viborg, avant de repartir en marchant à travers bois pour rejoindre l'aire de repos. Mais nous n'avions pas prévu que le KGB soit à nos trousses. Et si les agents soviétiques continuaient leur filature, nous serions obligés de renoncer et d'abandonner Gordievski à son sort. « sur la route goudronnée qui traverse l'épaisse forêt de sapins et qui mène au poste frontière de Viborg, Ascot tente de semer ses poursuivants. À plusieurs reprises, il ralentit et ensuite repart en trombe. Grâce à la puissance de leur véhicule, les Britanniques distancent vite leurs poursuivants. Lancé dans une course folle à plus de 140 km à l'heure, Ascot aperçoit sur sa droite un panneau. 10 km les séparent de l'aire de repos. Loin derrière, les agents de KGB ne s'avouent pas vaincus. Dans le rétroviseur de la voiture d'Ascot, on voit que le véhicule soviétique tente de garder le contact, mais ils ont déjà plusieurs centaines de mètres de retard. Lorsqu'enfin, au sommet d'une colline, à la sortie du grand virage sur la droite, apparaît l'entrée de l'aire de repos. Au dernier moment, Ascot braque sur la droite et sort de la route pour prendre de petits chemins de terre. Il est imité en catastrophe par la seconde voiture britannique. Puis, les deux équipages s'arrêtent derrière les arbres et éteignent les moteurs. 45 secondes plus tard, les véhicules de la police et du KGB passent sur la route principale sans s'arrêter. Bien joué. Les Anglais sortent alors de leur voiture. Ils feignent une pause pique-nique. Autour d'eux, personne. Lorsque soudain, un individu de grande taille sort des sous-bois. Mal rasé, débraillé, couvert de boue, de fougères et de saleté, l'air sauvage, il s'avance. Ascot reconnaît alors les traits du visage identiques à ceux de la photo, aucun doute. C'est lui, c'est Gordievski. Les diplomates installent l'espion dans le coffre du second véhicule. Quelques instants plus tard, le convoi repart en direction de la frontière. À 17 km de Viborg, Ascot distingue enfin le premier grillage surmonté de fils barbelés qui délimite la zone démilitarisée. Il s'agit du premier des 5 checkpoints que le convoi doit franchir pour atteindre la Finlande. Au premier contrôle, le garde-frontière soviétique en treillis regarde d'un air inquiétant les deux équipages britanniques. Puis, il leur fait signe de passer sans même consulter leurs papiers. Même chose au second poste de contrôle. Ascot se demande alors s'il ne s'agit pas d'un piège. Car arrivé à la barrière du troisième poste, situé au niveau de la frontière, celui-là, des hommes en armes leur ordonnent de bifurquer vers un parking entouré de grillages. Impossible pour Ascot et son équipe de faire demi-tour. Les deux voitures de l'opération Pimlico avec Gordievski caché dans leur coffre roulent droit vers leur destin. Et alors, c'est de deux choses l'une. Aller simple pour la liberté ou prison. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bellow. Fabrice Drouel. Samedi 20 juillet 1985, poste frontière de Vyborg, nord-est de l'Union soviétique. Nous sommes ici sur l'axe routier principal entre l'URSS et la Finlande. Au milieu de l'épaisse forêt de sapins, la route goudronnée est coupée en deux par un imposant grillage. De chaque côté, des bâtiments, des tours d'observation et une barrière. Côté soviétique, une dizaine de véhicules attendent pour franchir la frontière. Parmi eux, deux voitures porteuses de plaques diplomatiques appartenant à la délégation de Grande-Bretagne. À bord de la première, le chef de l'antenne du MI6 à Moscou, Roy Ascott, et sa femme. À bord de la seconde, un couple complice travaillant également à l'ambassade. Sur la banquette arrière, leur petite fille de 8 mois dort. Dans le coffre, caché sous une couverture, l'homme pour qui cette opération d'exfiltration a été organisée, Oleg Gordievsky. Du haut des miradors, des sentinelles scrutent le comportement des passagers. Des hommes aux grands imperiaux gris appartenant probablement au KGB stationnent dans d'autres véhicules à quelques dizaines de mètres derrière eux. Après avoir présenté les 4 passeports diplomatiques à la guérite de contrôle, Ascott revient s'asseoir dans la première voiture. En théorie, la Convention de Vienne protège un diplomate, ses bagages et son véhicule de tout contrôle. L'URSS a bien entendu signé cette convention, mais ses gardes-frontières, bien entendu, enfreignent bien souvent la règle. Après une attente interminable, la première des deux voitures britanniques, celle de Roy Ascott et de sa femme, reçoit l'ordre d'avancer jusqu'à la barrière. À quelques mètres derrière elle, se tient le second véhicule. Un soldat fait le tour des voitures. Les minutes passent, la tension grimpe. Ascott a les yeux rivés de l'autre côté de la barrière, à quelques dizaines de mètres de là où il y a la Finlande et donc la liberté. Dans le coffre, Gordievsky reste immobile, impassible, conscient qu'il joue sa vie. Puis un jeune officier soviétique s'approche. Il contrôle une nouvelle fois les passeports. Il fait alors un signe de la main à un autre soldat en faction à côté de la barrière. Ce dernier la soulève. Mais oui, les deux voitures de la délégation britannique démarrent et avancent au pas. Derrière elles, la barrière se referme sur l'Union soviétique. Au poste frontière avec la Finlande, les gardes frontières et les douaniers tamponnent les passeports, puis les deux véhicules diplomatiques repartent pour rejoindre leur lieu de rendez-vous. Gordievsky lui reste toujours caché dans le coffre. En 1985, en effet, si la Finlande est officiellement neutre, elle reste soumise à de nombreux contrôles de l'Union soviétique. Les Finlandais ont par exemple l'obligation de remettre au KGB les fugitifs tombés entre leurs mains. Autrement dit, Gordievsky ne sera véritablement libre qu'une fois arrivé en Norvège. Heureusement pour lui, le reste du voyage n'est qu'une formalité. Après une nouvelle journée en voiture, en direction du Nord, il passe le soir même en Norvège. On lui remet alors un passeport portant son nom d'emprunt. Il embarque à bord d'un premier avion pour Oslo, puis d'un second à destination de Londres. À l'aéroport d'Heathrow, le directeur du MI6 est là pour l'accueillir. Quelques jours plus tard, l'incroyable nouvelle, celle de l'évasion d'un espion russe d'Union soviétique, fait la une des journaux télévisés. À Londres, le responsable du KGB, les services d'espionnage soviétiques, est passé à l'ouest avec armes et bagages et dans ses bagages son carnet d'adresses. Il s'est empressé de communiquer le nom des taupes soviétiques en Grande-Bretagne. Résultat, 25 représentants soviétiques vont être expulsés. À Londres, les agents des services secrets conduisent Gordievsky dans une résidence militaire secrète et surveillée. Pendant plusieurs semaines, le soviétique subit de la part des agents britanniques un interrogatoire poussé à l'abri des regards indiscrets. Au fil des années, les informations fournies par Gordievsky n'avaient pas pu être toutes exploitées. Il ne fallait surtout pas griller l'agent double. Désormais, tout est révélé et partagé avec les services secrets alliés. grâce aux révélations de Gordievski, la DST, les agents français, découvrent ainsi que dans le sud de la France, dans une petite commune du Var, vivrait le cinquième homme appartenant au groupe des espions de Cambridge, un aéropage de brillants universitaires britanniques qui avait trahi et pillé les secrets de la Grande-Bretagne dans les années 30 pour le compte de l'URSS. L'individu en question répond au nom de John Cairncross. Âgé maintenant de 78 ans, il vit dans une villa en compagnie de sa femme et de son chien. Une équipe de l'agence France Presse se rend alors devant les grilles de la maison et elle tombe sur sa compagne. C'est de quel journal ? C'est l'AFP, l'agence France Presse, hein, qui dit que M. Cairncross était le cinquième homme de l'affaire Philby. Et donc, il était un espion au service du NKVD. Hey. Écoutez, vous lui faites lire et je vous attends ici. D'accord. Merci. Alors. Pour maintenant, c'est nos commentaires. Oui, mais nous voulons avoir ce livre. Avoir ? Le livre, le book. Oui, mais quand même, M. Cairncross peut répondre si oui ou non, non il ça, l'était. Non. Quoi ? Il n'était pas un espion ? Nos commentaires. Revenons à Gordievski. Il faut au KGB plus d'une semaine pour réaliser qu'il s'est fait la belle. La centrale de renseignement soviétique se lance dès lors avec frénésie dans une campagne d'accusation. Dans la presse disponible à Moscou, on peut ainsi lire que si Gordievski est passé à l'Ouest, c'est qu'il a préféré sacrifier sa famille pour de l'argent. Oui, c'est vrai. Gordievski a dû abandonner sa femme et leurs deux petites filles pour réussir son incroyable exfiltration. Mais qu'on s'y trompe pas, le soviétique gardait alors avec lui l'espoir qu'elle le rejoindrait plus tard. Or, le 14 novembre 1985, 4 mois après son arrivée à Londres, un tribunal militaire le condamne à mort pour haute trahison. Quelques années après cette décision, Léonid Chebarchine, alors directeur de la première direction générale du KGB, déclarera, face à des journalistes britanniques, qu'il espère que Gordievski soit assassiné en Angleterre, ajoutant même, en parlant d'une opération menée sur le terrain par le KGB, « Techniquement, ça n'aurait rien de sorcier ». Après avoir rencontré la première ministre britannique Margaret Thatcher, Gordievski est reçu à Washington par le président Reagan. D'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, l'ancien agent fait maintenant figure de héros. Face aux journalistes, qui se pressent évidemment pour essayer d'obtenir une entrevue, il continue de livrer des détails et des anecdotes inédites. Comme ici, à la fin des années 80, dans les rues de Londres, suivi par la caméra du reporter Arnaud Hamelin. C'est la délégation commerciale de Londres. C'est un bureau très important pour le KGB à Londres, parce que d'habitude, la moitié des effectifs du KGB est déployée ici. Il n'y a pas suffisamment d'espace à l'ambassade et c'est pourquoi beaucoup d'officiers du KGB sont nommés ici. Alors à chaque fois, avant de revenir à l'ambassade, ils écrivent leur rapport ici. C'est leur base pour organiser des opérations internationales. Avec la chute du mur de Berlin en novembre 89 et la fin de l'URSS en décembre 91, la guerre froide écrit les dernières lignes d'une histoire vieille de 70 ans. Si cette fin nous semble aujourd'hui inéluctable, elle est le résultat d'un grand nombre de facteurs et d'une série d'événements inattendus. Parmi eux, les révélations des anciens espions communistes passés à l'Ouest qui ont influencé l'évolution des rapports Est-Ouest et peut-être permis d'éviter une troisième guerre mondiale. On compte sur les doigts d'une main les espions qui ont changé de monde. Le colonel du KGB, devenu agent double au service du MI6, Oleg Gordievski, est donc de ceux-là. De 1974 à 1985, il va permettre à l'Occident de mieux comprendre les réactions des soviétiques pour éviter d'envenimer un conflit lourd de menaces nucléaires. En mettant sa vie en jeu, en trahissant son pays pour le compte de la liberté, en abandonnant sa famille, Oleg Gordievski est allé au bout de ses convictions. Aujourd'hui, paisible retraité anonyme d'une banlieue de Londres, il laisse derrière lui l'un des récits les plus spectaculaires de la guerre froide. the last of the secret agents, and he's my man. He's the last of the secret agents, and he's my man. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, jeu d'espions, deuxième partie, fuir l'URSS. Notre invité, comme vendredi dernier, je suis ravi de vous retrouver, Sergueï Zhirnov. Bonjour. Zdravia zhelayu, tavarish Fabrice Drouel. Ah, merci. Non, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci ou on dit quoi après ça? On dit «здравствуйте». «Здравствуйте». Bien, ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique, vous avez espionné le continent américain et la France avant de venir vous réfugier ici au début des années 2000. Dans votre livre intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion » paru aux éditions Corpus Delicti, Sergueï, vous revenez sur votre recrutement, vos opérations clandestines, votre vie d'espion. Première question, qu'est devenue la famille Gordievski après le départ de monsieur? Parce qu'on sait que c'est un vrai, vrai problème, c'est plus qu'un problème ça, c'est que en cas de fuite comme ça, le KGB pouvait s'en prendre aux familles qui restaient. Oui, donc la famille était restée en otage. Bien évidemment, la famille a rejeté Gordievski. Ils ont dit, voilà, c'est un traître. Nous, nous voulons rien avoir avec lui. Lui, de son côté, il a fait la pression avec le MI6 sur le gouvernement britannique. Et le gouvernement britannique avait à sa tête à l'époque la femme de la dame de fer, Madame Thatcher, qui avait une très très bonne relation avec Gorbatchev. Donc du coup, pendant plusieurs années, il a fait pression sur Gorbatchev et il a obtenu en fait l'autorisation pour la famille de Gordievski de le rejoindre en Angleterre. Mais une fois lorsqu'ils l'ont rejoint là-bas, ça s'est très très mal passé. Il y a eu un divorce, donc il y a eu quelques problèmes. Donc c'est jamais très très bien les affaires d'espionnage pour les familles. Hein. Bien sûr. C'est un point de détail, mais il est important malgré tout. C'est un détail important, on va dire. Voilà. On parle de sérum de vérité à un moment dans le récit. Quoi. Le sérum de vérité, ça existe ou c'est du domaine du fantasme? Ça existe. Il y a des substances chimiques qui sont utilisées par le KGB, mais pas seulement par le KGB. Hein. Mm-hmm. La CIA, même la DST, la DGSI, la DGSE utilisent aussi ça. Donc c'est les substances qui paralysent, qui vous assomment et qui paralysent votre résistance en fait interne et donc qui facilitent les interrogatoires. Bon après tout est relatif. Hein. C'est comme le fameux détecteur de mensonges, on peut le tromper, hein, donc c'est pas une science exacte, hein, cette histoire. Et un autre ustensile dont on a parlé, qu'on voit dans les films d'espionnage, c'est le parapluie bulgare. Ça existait ça aussi? Avec, oui, du poison, le KGB, avec du poison au bout, c'est ça? Avait une grande direction technique qui fabriquait tout un tas de gadgets. Et ce gadget a existé effectivement. Donc en fait, il y a un des opposants au régime de Bulgarie qui habitait à Londres, qui a été justement empoisonné avec ça. Il y en avait d'autres d'ailleurs. Hein. D'autres quoi? D'autres gadgets, hein. Il y avait pas que les parapluies. Il y avait des trucs, en fait, des appareils avec lesquels vous pouvez projeter des billes de poison, tout un tas. Et regardez d'ailleurs l'histoire récente. Donc l'affaire Litvinenko, lui, il a été empoisonné en Ukraine. Au polonium. Et puis Skripal l'année dernière, il a été empoisonné à Novichok. Donc vous savez, c'est, et d'ailleurs c'est le cas. KGB actuel, enfin le FSB actuel et le SVR ont repris d'ailleurs les fabriques techniques de l'époque soviétique. D'accord. Sergueï Jarnov, on vient de l'entendre dans le récit, cette opération d'exfiltration est très spectaculaire. D'ailleurs, on a fait plusieurs films sur des exfiltrations comme celle-là, et il y en a eu d'autres. Le plus souvent, comment procédaient les espions ou ceux qui désiraient passer à l'Ouest si ils n'employaient pas cette méthode-là qu'on vient de raconter, la méthode terrestre? Comment ça pouvait se passer? Entre nous soit dit, moi je crois moyennement au récit de Gordievski qu'il a publié dans son livre avec l'accord bien évidemment de MI6. Il faut bien comprendre que ce livre c'est une arme de propagande, de guerre idéologique. Mm-hmm. Et donc du coup il faut prendre avec des pincettes ce qu'il nous raconte. L'Union soviétique c'était un énorme territoire, 22 millions de kilomètres carrés. La frontière de l'Union soviétique c'était presque 70 000 kilomètres. Avec 14 pays, mais malgré ça, il fallait pas garder en fait toute cette frontière parce que si vous voulez passer au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez passer par l'océan Arctique et le pôle Nord. Mm-hmm. Vous imaginez un tout petit peu les conditions. Iran, Afghanistan, la Chine, c'est la haute montagne qui va jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Donc le Japon, c'est l'océan Pacifique. Donc en réalité, il y avait deux possibilités, c'est Finlande, Norvège, ou par la mer Baltique les pays baltes. Enfin, les pays scandinaves, mmh. ou sinon par la mer Noire et la montagne entre la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Turquie. Là, c'est les deux seules vraiment possibilités physiques. Ça veut dire qu'il serait pas passé par la Finlande ou il serait passé facilement? À mon avis, il serait passé par la Finlande, mais il y avait d'autres possibilités parce que en fait, dans le récit que vous avez cité, c'est très romanesque, c'est très dramatique avec la course poursuite, mais en réalité tout ça c'est pour moi c'est déjà pas du tout professionnel parce que quand les espions avaient la filature sur le dos, il fallait jamais faire des courses poursuites parce que sinon vous donniez la possibilité, le prétexte à la police routière de Gailly de vous arrêter tout simplement pour la violation du code de la route. Oui. En plus en Union soviétique les autoroutes n'existaient pas, donc la limitation de vitesse était de 110 km. Donc ça c'est à mon avis, c'est pas comme ça. Il fallait endormir quand vous aviez la filature, il fallait endormir la filature. Donc à la limite, ils avaient un bibé à bord. Si moi j'étais à leur place, je roulerais à 60 à l'heure pendant 1000 km, s'arrêtant toutes les heures pour faire pipi caca, pour charger les couches, pour prendre des photos, pour manger, etc. Au bout de 5-6 heures, les autres ils craquent. Hein. Non, mais qu'est-ce que je fais avec mon récit, moi, si c'est pas spectaculaire? Ouais, c'est ça. Vous, d'abord, là, avec le récit, surtout l'auteur de ce livre, bien évidemment, donc il en a rajouté beaucoup, hein, c'est des couches et des couches, mais les couches sont très épaisses, très, très épaisses. En fait, l'évasion la plus spectaculaire de l'Union soviétique, c'était en 1976. Il y a un pilote d'avion, un pilote militaire, Belenko, Victor Belenko, qui a pris tout simplement son MiG-25, le chasseur, et qui est parti à 1000 km au Japon. Il a réussi son coup. Et dans l'autre sens, il y avait Matthias Rust, qui est un jeune Allemand de 19 ans, qui a traversé la frontière du RSS de Finlande et qui a atterri quasiment sur la place rouge au mois de mai 1987. Voilà, c'est les deux vraiment évasions dans les deux sens vraiment spectaculaires qui ont réellement existé. Bien. Alors, à mon avis, pour Gordievski, entre nous soit dit, donc en fait, le convoi qui se dirigeait pour Vyborg, donc bien évidemment, ce convoi était diplomatique. Donc, ils ont déposé une note auprès du ministère des Affaires étrangères. Donc, le KGB était au courant de leur déplacement. Le maillage routier de l'Union soviétique était fait de telle façon que tous les 20 ou 15 kilomètres, la police routière avait des postes de police routière. En Union soviétique, il y avait 3300 départements. Dans chaque département, il y avait un détachement militarisé du KGB. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire les courses-poursuites. Et donc, à mon avis, ce convoi, il portait sur lui, en fait, il attirait sur lui l'attention du KGB. Et en réalité, Gordievski, il est passé peut-être dans un bus avec les Finlandais sous qui venaient se saouler la gueule à Leningrad. Bon, en tout cas, reste que cette évasion est quand même vraie. Oleg Gordievski s'est évadé. Donc. Tout à fait. Ça, c'est un voilà. fait accompli. Il était à Moscou et il s'est retrouvé à Londres. Ça, c'est sûr. D'où la question que je vous pose. Quel effet a eu cette affaire pour les autres membres du KGB? Est-ce que vous avez été plus surveillé d'un seul coup? Bien évidemment, ça a eu des répercussions. Bah déjà, il y avait 15 personnes qui étaient limogées. Il y avait le directeur du 3e département, le supérieur de Gordievski, qui était évincé. Et il y avait toutes les personnes, dont le colonel Boudanov, qui ont été châtié après ça. Ouais. Et bien évidemment, le contrôle des autres personnes était renforcé. Mais ça ne veut pas dire que après, qu'il n'y a pas eu d'autres tentatives, soit d'autres défaillances au sein du KGB. Mais est-ce que le KGB, je rappelle qu'on est en 1985 et Gorbatchev est au pouvoir. Alors c'est vrai que c'est le tout début, il n'a pas le temps de mettre en place ses réformes, mais est-ce que le KGB a déjà changé là? Non. À cette époque-là, oui et non. Ça veut dire que le KGB n'était déjà pas la NKVD de Staline. Oui, ce que vous disiez vendredi. C'est évident. D'ailleurs, la preuve, c'est que Gordievski, vous vous souvenez, dans la première émission de la semaine dernière, vous avez raconté le truc comme quoi, sur un simple soupçon, l'officier pouvait être arrêté, etc. Bah, Gordievski, déjà, il est parti de Londres tout seul. Normalement, quand on évacue quelqu'un qui a trahi, on lui met 3, 4, 5 personnes autour de lui, on le bourre de drogue pour qu'il ne se rebelle pas, et on lui organise un comité d'accueil. Là, vous avez très très bien raconté comme quoi il était parti tout seul. À son arrivée à Moscou, il n'y avait aucun comité d'accueil, donc ça s'est très très bien passé. Donc du coup, en plus, il a jamais affirmé qu'il a été torturé. Même cette histoire de soulage de gueule avec le cognac, vous savez, moi j'ai vécu ça. En fait, c'est une vraie tradition. À votre départ pour une grande mission à l'étranger et à votre retour, vous étiez accueilli souvent par les grands généraux. D'ailleurs, c'est un honneur hein, plutôt qu'une torture. Et ils s'amusaient à vous faire boire. Moi, j'ai subi ça avant de partir la première fois en France. Ils étaient aussi 4 et on a bu 1 litre de vodka, dont moi quasiment 3/4 de la bouteille. Et eux, ils vous posent les questions parce qu'en fait, c'est un test. Ils vous regardent comment vous réagissez quand vous êtes sous. Bon, on va écouter, tiens, Oleg Gordievski, il était l'invité de la Marche du siècle sur France 3, on se retrouve tout de suite. Pourquoi apparaissez-vous maintenant avec votre vrai visage et non plus grimé ou en tout cas, disons, protégé comme vous l'étiez auparavant? Vous ne courez plus aucun risque? Je pense que non, qu'il n'y a plus de risque, parce que dans une société démocratique, sous la présidence de Yeltsin et jusqu'à récemment Gaïdar, il a été décidé d'interdire l'assassinat à l'étranger par le KGB. Ils l'ont promis et je leur fais confiance parce que je fais confiance au gouvernement actuel de l'URSS. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est vrai. C'est vrai que les assassinats, c'est plutôt l'époque stalinienne, c'est les années 30-40 avant la guerre, c'est un tout petit peu après la guerre, mais du temps d'Andropov, en fait, il y en avait très peu. Il savait très très bien que si on enclenchait une guerre comme ça entre les services, ça pouvait leur retomber sur la tête après. Ils n'étaient pas les seuls à posséder ces armes et posséder ces techniques. Donc du coup, au contraire, dans les années 60-70-80, il y a eu une certaine entente entre gentlemen qui régnait dans la guerre des services secrets. C'était plus les jeux d'échecs que les jeux de judo ou de karaté. Oui. Sinon, est-ce qu'on en sait plus sur les causes des problèmes de Gordievski, est-ce qu'il a été trahi? Est-ce qu'on sait, parce que pendant quelques années, ça s'est très bien passé, jusqu'à un moment où on lui a dit de revenir à Moscou, il était donc suspecté, c'est quoi l'événement, le point de bascule, c'est quoi? On n'en sait rien. Ah. On n'en sait rien. Mmh. C'est les spéculations. Bien évidemment, après, c'est les analyses. Il y a plusieurs services au KGB qui analysaient ces défaillances. Donc, il était suspecté, ça c'est sûr. Mais qui l'a donné, personne ne le sait, même maintenant. Hein. Donc, après, on soupçonne que c'était Alder James qui a proposé ses services au printemps 1985, qui l'aurait vendu. Mais Alder James était américain, donc il travaillait à la CIA. Il savait vaguement. Donc, en fait, ce qu'il aurait donné, c'est que il paraît que vous auriez une top qui travaille pour les Anglais. Donc voilà. Mmh. Donc il n'a pas nommé Gordievski, d'où d'ailleurs la réponse. Pourquoi Gordievski n'a pas été emprisonné? Pourquoi il n'a pas été interrogé? Pourquoi il n'a pas été accusé officiellement, etc. Après, en 1985, il y a un autre transfuge américain qui a repris du service, Robert Hansen, et on dit que soit l'un soit l'autre. En fait, on balançait Gordievski plutôt Ames que Hansen, mais on est, c'est jamais sûr. Hein. Bon, alors je reviens à vous. Dans le cadre de votre mission en France, vous deviez infiltrer, je crois, l'ENA, l'École nationale d'administration. C'est vrai? Et pour quelle raison? C'était ma dernière mission, parce que cette école, c'est une grande école qui forme l'élite française. L'élite, même maintenant, vous avez le président Macron qui a fait l'ENA. Donc avant lui, il y avait aussi Hollande, il y avait aussi Jacques Chirac, d'ailleurs, il faudra lui rendre hommage. Mais il a fait aussi l'ENA. Donc en fait, cette école formait l'élite. Et pour moi, c'était ma dernière mission avant de la dislocation de l'Union soviétique et la fin du KGB. Mais comment on espionne l'ENA? On devient élève, faux élève? C'est ça. En fait, je me suis débrouillé pour que l'ENA elle-même m'invite en tant qu'élève étranger et que le gouvernement français me paye mes études en France. Bah tiens donc, voilà. On vous paye pour nous surveiller. Elle est bien bonne celle-là. J'étais le boursier du gouvernement français. D'ailleurs, ils ont mal digéré ça. Et après, il y avait un certain nombre de fonctionnaires de la DST qui ont dû passer un mauvais quart d'heure après le fait qu'on a découvert que j'étais un espion. Bien. Alors c'est depuis que je vous connais, Sergueï Girnov, et que paraît-il l'ami Oleg me connaît à travers les ondes. Voilà, je connais deux agents du KGB. J'ai un peu l'impression d'être dans un film. Et à propos de films qui racontent des exfiltrations comme ça, je conseille vraiment à nos auditeurs de regarder Le Rideau déchiré d'Alfred Hitchcock avec Paul Newman. Il est absolument remarquable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Sergueï, mais c'est génial, bien sûr, formidable, bien sûr, j'ai vu tous les formidable. Films d'espionnage. Mais bien sûr. Au revoir, Sergueï Girnov. Merci encore. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Oleg Gordievski, agent double. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et si le cœur vous en dit vos commentaires. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique aujourd'hui puisque nous sommes vendredi. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Adrien Cara, Guillaume Ballandras, Jeanne Maillard et Adrien Mora. Attaché de production, Valérie Priolet, comédien Aurélien Labruyère, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Hélène Bizio et Koyan Guyenne.